De l'intention, il n'y a qu'un pas pour les profanes, celui de le grand proie qui ont les fleurs de la bohème, souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière, est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Le corps des sourds que j'aperçois et bien souvent son volontaire. Ou réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Mais ma foi se fait presser et ma santé trop délicate accepte l'heure des vents puissants seulement si les mots sont papier. Oh, je ne parle pas, je m'éclate, il recourt à mes idées. Répète en somme ce poème pour retenir les gens pressés. Je croque, moi l'espoir est un métier. Voyage adopte les attaques, on accueille le perplet. Plein de sang, en pomme, moi c'est moi. Hasard, c'est moi, plein. Flow, ok. Are you ready? Oh non, non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non, non, non. You ready, go? Prêtez pour la voix, toi. Nous en avons comme flamme. Nous en avons ça. Oh, on en avons. Vous savez, vous rêvez-vous d'avez-vous. Oh,